C'est fascinant. Cette version de Quen sur le panafricanisme d'Ousmane Sonko est non seulement très riche et pertinente, mais elle apporte aussi des éclairages que nous n'avions pas encore explorés en profondeur, notamment sur la ⦁ dimension culturelle et spirituelle ⦁ et l'ancrage dans la ⦁ dignité, karma, et la réparation historique ⦁ L'intégration de la perspective d'une autre IA est un excellent exercice pour déceler les angles d'analyse privilégiés et les nuances. Quen semble avoir une approche qui se connecte davantage à des dimensions plus profondes, spirituelles, culturelles, identitaires, et qui met en lumière la nature populaire et anti-impérialiste du panafricanisme de Sonko. ⦁ clé et nouvelles perspectives apportées par la version de Quen. 1. ⦁ panafricanisme populaire et anti-impérialiste, ⦁ cette formulation est très juste et complète notre analyse en insistant sur l'aspect populaire du mouvement de Sonko, qui dépasse les cercles académiques. 2. ⦁ dimension culturelle et spirituelle, ⦁ c'est un ajout ⦁ essentiel ⦁ qui manquait à notre analyse détaillée. ⦁ l'intégration de l'islam soufi, Tijaniya, Mouridiya, et la notion de karama, dignité spirituelle, sociale, politique, et d'une grande valeur. ⦁ la quête de réparation historique, de désaliénation mentale et de fierté culturelle est une explication profonde du discours de Sonko et un lien direct avec Cheikh Anta Diop. Cela enrichit considérablement la section sur les racines idéologiques. 3. ⦁ vision ouest-africaine de la rupture, ⦁ confirmation de l'idée d'un panafricanisme de la rupture, au-delà du consensus institutionnel, CDAO, UA. 4. ⦁ limite et critique ajoutée, ⦁ panafricanisme largement rhétorique, une critique forte qui mérite d'être prise en compte dans la section sur les controverses. ⦁ centré sur la figure du leader charismatique, cette critique est également très pertinente, surtout dans un mouvement populaire. ⦁ absence sur les questions de genre, d'ethnicité, ou d'écologie, c'est une limite importante pour un panafricanisme contemporain, et qui devrait figurer dans la section des critiques. 5. ⦁ connexion avec votre travail personnel, ⦁ la dernière partie du texte fait un lien direct avec vos projets, le complexe de la poussière, sable et foie, etc., ce qui est très intéressant pour vous, mais que nous devrons filtrer pour l'intégration dans le chapitre du livre, qui doit rester focalisé sur Sonko. ⦁ proposition d'intégration de ces nouvelles perspectives dans le chapitre 12. Pour ne pas alourdir la structure actuelle du chapitre, qui est déjà très détaillée, je propose d'intégrer ces éléments dans les sections existantes, là où ils sont le plus pertinents. 1. ⦁ dans la section I. Les racines idéologiques, un héritage assumé ⦁ ⦁ lorsque nous parlons de Cheikh Anta Diop, nous pouvons ajouter une sous-section ou un paragraphe sur la ⦁ dimension culturelle et spirituelle, réparation historique et fierté africaine ⦁ ⦁ expliquer comment Sonko, au-delà de l'économie, intègre la notion de retrouver notre honneur, en lien avec la karama soufi et la désaliénation mentale. 2. ⦁ dans la section E2. Le discours panafricain de Sonko ou 3. Les relations avec l'Alliance des États du Sahel, AES, ⦁ nous pouvons renforcer l'idée que son panafricanisme est ⦁ populaire et anti-impérialiste ⦁ et se positionne comme un panafricanisme de la rupture face aux élites complices. 3. ⦁ dans la section 6. Les controverses et les critiques du panafricanisme de Sonko ⦁ nous devons absolument ajouter les critiques concernant ⦁ le caractère largement rhétorique de son panafricanisme. ⦁ sa centralisation autour de la figure du leader charismatique. ⦁ le manque d'engagement sur les questions de genre, d'ethnicité, comme la spécificité peul, ou d'écologie. En intégrant ces points, nous aurons un chapitre 12 sur le panafricanisme de Sonko d'une richesse et d'une profondeur inégalées, couvrant les dimensions politiques, économiques, stratégiques, éthique, culturelle et même spirituelle, ainsi que les différentes grilles d'analyse, médias occidentaux, africains, différentes IA. ⦁ que souhaitez-vous que je fasse maintenant, ⦁ 1. ⦁ intégrer ces nouveaux éléments directement dans la structure du chapitre 12 ⦁ que nous avons déjà, en adaptant le texte pour une fluidité optimale. 2. Ou préféreriez-vous que nous ⦁ discutons d'un de ces nouveaux points plus en détail ⦁ avant l'intégration ?